La cheminée gothique, tradition italienne, par Alphonse Brault. Un grand bruit se fit entendre dehors, et le gardien du château aux ogives brisées tressaillit sur sa chaise comme par un mouvement électrique. Mais honteux bientôt de cette faiblesse, il reprit sa tranquillité, et ses yeux noirs rayonnèrent sous ses longues paupières rousses. Celui qui n'aurait pas eu l'honneur de connaître il signore Sacarito se serait effrayé des éclairs que ses yeux lançaient, et les aurait pris volontiers, par l'heure qu'il était, et dans cette obscurité profonde, pour ceux qui jaillissent des prunelles d'un vampire, au moment où il se jette sur la jeune fille qui s'en vient joyeusement à son premier rendez-vous. Le bruit redoubla. « Si c'est un voyageur qui me dérange, puisse-t-il mourir de mal mort ?» grommela Sacarito. « Si ce sont des bandouliers ?» Il n'acheva point sa phrase, mais il décrocha en ricanant un stylet. Puis d'un pas ferme, se dirigea vers la porte d'où venait ce bruit inaccoutumé. Or, il est peut-être bon de faire connaissance avec ce personnage. Quoiqu'il habite à l'Italie et les bords de la Maranella, petite rivière arrosant la campagne de Rome, son accent rude et son accoutrement de grosses serges rouges prouvaient qu'il n'était pas d'origine italienne, parce qu'à cette époque, et bien que dans le fort de l'été, on portait la cape ou le manteau brun à franges de soie. Le seigneur Sacarito avait la taille élevée. Ses traits durs inspiraient le dégoût, peut-être même la peur. Les habitants des campagnes le redoutaient, depuis le jour surtout où le poignard d'un bandito se brisa sur sa poitrine. Il paraissait avoir à peine 40 ans et cependant, d'après le dire de tous, depuis l'an 1460, il habitait ce château et l'on était en 1530. Enfin, un voile mystérieux, que la superstition épaississait encore et que personne n'osait lever, faisait de cet homme un miracle de curiosité. Plus d'un noble étranger vint se loger à l'auberge de San Marino, à quelques milles du vieux manoir, mais aucun d'eux ne le visita. Tant les contes absurdes véridiques d'El Signor Matteo Bandocchi, leur hôte, inspiraient d'effroi. Cependant, le 14 mai 1530, deux jeunes artistes, l'un peintre, l'autre musicien, qui étaient allés chercher des inspirations lointaines, s'arrêtèrent devant le château délabré. On leur disait que dans les âges féodaux, le cardinal Giuseppe Giochini, puis après ses neveux, les comtes de Tessina, célèbres par leurs orgies, l'habitèrent. Que maintenant, on le croyait hanté par les esprits et qu'un démon en défendait l'entrée. À ce discours, ils se prirent à rire et répliquèrent qu'ils ne craignaient ni Satan ni ses milices. Et ce furent eux qui dérangèrent aussi impoliment le seigneur Sacarito. Oreste et Pilade réclamant l'hospitalité. Allez au diable, je n'ouvrirai pas. Âme de damné, nous avons juré de voir la couleur de ta face et de passer la nuit dans ton repaire maudit. Votre envie s'en ira. Pas avant que ton âme, si tu en as une, n'ait déserté l'enveloppe de ton corps. Mais ouvriras-tu, Satan, ouvriras-tu? Retournez à l'auberge. Notre auberge ce soir sera cette masure gothique. Notre vin, celui de ta cave, est le meilleur. Notre lit, le plus moelleux du château. Notre délassement, ta fille, si tu en as une, et qu'elle soit jolie. Notre échanson, toi, messire, oui, toi. Nous tendrons nos coupes, tu nous verseras boire, et nous mènerons tous joyeuse vie. Ouvre, ouvre vite, aussi bien la nuit devient sombre comme un nid de hibou. L'atmosphère fraîchit, et notre voix s'enrhume à humer l'air de minuit. « Vous n'avez plus que 3 heures à attendre pour voir le jour. »« Tu fais plus de façon qu'une jeune fille. Si tu continues, nous mettrons le feu à cette vieille masure et nous danserons autour. » Le seigneur Sacarito ne répondit rien, mais l'on entendit bientôt des clés entrer se plaindre dans les serrures rouillées, comme si elles souffraient de servir à ce rare usage. Ensuite, la porte s'entr'ouvrit. « Votre Altesse aime à se faire prier, » dit le peintre, se redressant sur la pointe des pieds, pour se grandir d'un pouce. Mon Altesse n'aime ni les bavards ni les importuns, mon brave cavalier, non plus que les pièces d'or des gentilshommes italiens, interrompit en souriant le ci-devant Oreste. Non plus que les pièces d'or des gentilshommes italiens, continua Sacarito, ouvrant sa main et laissant rouler au-dehors du château les largesses du jeune artiste. Ce dernier resta quelques secondes comme pétrifié. En effet, c'était prodige que de rencontrer ce mépris pour l'or à cette époque, et dans un homme de la profession de Sacarito. Cependant, l'orgueil national l'emporta sur sa stupéfaction. « Votre seigneurie aura, dit-il, la bonté de nous présenter dès ce soir au maître du château ? Volontiers, messieurs, suivez-moi. Compagnon, continua le musicien, ce manoir n'est donc pas inhabité comme on le proclame ici. Mais par cette épée qui m'est aussi fidèle que ma maîtresse, et ce n'est pas peu dire, si nous en sommes reçus avec discourtoisie ou par des figures de chat-huant, nous dégainerons. Jeunes gens, suivez-moi, répéta le seigneur Sacarito. Et après avoir allumé deux torches, il fit traverser à ses compagnons un immense jardin. Il paraît que vos maîtres aiment le repos, dit le peintre fatigué des longs détours qu'il prenait. Cette phrase demeura sans réponse. Après de nouveaux circuits, ils atteignirent une construction inhérente au château, puis descendirent une vingtaine de marches, et tout à coup, leur guide, soufflant bruyamment sur les torches qu'il éteignit, ils se trouvèrent dans une vaste salle à arceaux, faiblement éclairée par une lampe suspendue à la voûte. « Je vous présente au seigneur de ce domaine, » murmura d'une voix lente Sacarito. Et du bras, il indiquait plusieurs rangs de tombes qui longeaient la salle. Sur chaque sépulcre était couché, taillé dans la pierre, un seigneur de Tessina, l'un avec son casque et son habit militaire, l'autre enveloppé dans un linceul de marbre, ce qui les faisait ressembler à des fantômes surgissant de terre. Les deux jeunes hommes, malgré leur impatience, considérèrent quelque temps cette scène étrange avec recueillement. Enfin, le peintre enthousiaste rompit le silence. « Sur mon âme, dit-il, le Capitole n'offra rien de si beau. Cette œuvre est surhumaine. Et pourtant ce fut un cerveau humain qui l'a conçu. Et ce fut une main fragile qui acheva ce prodige. Ah, que la sculpture est belle! Prendre un bloc de pierre, matière âpre et défectueuse, le tailler avec un ciseau, lui donner lentement la vie, voir chaque jour l'ouvrage de son génie revêtir une forme, recevoir une âme, puis achever, faire l'admiration de tous et vivre éternellement. Ah, la création de l'homme est un ouvrage de génie. Mais cette création de marbre en est encore un, moins ardent, moins animé sans doute, mais plus durable. Chez les hommes, c'est le créateur, c'est le Dieu qui survit à la créature. Dans les arts, c'est la créature qui survit à son créateur, à son Dieu. Merveille de l'art, vous êtes aussi problème. Comme les deux jeunes voyageurs s'étaient fait à l'obscurité, ils distinguèrent alors l'architecture de cette salle tumulaire, et leur longue admiration finit par ennuyer le seigneur Sacarito. Il ralluma les torches, puis enjoignit à ses nouveaux amis de le suivre. Après avoir monté plusieurs escaliers, ils se trouvèrent dans les appartements jadis occupés par les seigneurs de Tessina. Celui qui aurait jugé de l'intérieur du château d'après son aspect extérieur se serait grossièrement mépris. Tout était conservé au-dedans, tandis que le dehors attestait la ruine, mais la ruine avec son appareil imposant. Là, c'était une tourelle plus vieille de fatigue que d'années, et qui, géant délabré, menaçait d'écraser dans sa chute prochaine les pins qui se balançaient à ses pieds. C'était une aile entière du château aux murs crevassés, qui servait de retraite au chouka. Cependant, tout était beau, car on n'avait point affaibli l'antique manoir de cette architecture païenne qu'on singe si maladroitement de nos jours. On n'y trouvait rien de l'architecture lourde et butorde de Paestum, rien du temple de Cora, rien de celui d'Antonin, rien de l'amphithéâtre de Marcellus, rien enfin de ces motifs banaux, poncifs des temples et des thermes de la décadence de Rome. C'était le Moyen-Âge, avec toute son architecture de poésie, tantôt simple et modeste comme un premier chrétien, tantôt riche et prolixe d'ornements fantastiques, de sculptures ravissantes de naïveté. C'étaient des clochetons scameux et tailladés, des balcons et de longues balustrades, broderies légères, enfants du ciseau laborieux. C'était de sveltes faisceaux de colonnettes, œuvres d'un beau orthodoxe et venant d'ouvriers obscurs et perdus, d'ouvriers largement créateurs et plus créateurs que nos artistes à médailles et à cordons. C'étaient des arcs de cloîtres gracieux, aux ogives entaillées en réseau, aux clés pendantes, hardiesses surhumaines, qui dépassent de toute leur élévation les créations antiques et terrifieraient Callimachus si quelques voix puissantes les ressuscitaient de la tombe. Tout était curieux à voir. Là, c'était un meuble dont la forme aujourd'hui est perdue. Là, des vitraux bariolés de peinture. Plus loin, un portrait avec nom et prénom du haut et puissant seigneur qui s'était fait peindre, Plus loin, des écussons poudreux avec cette devise latine « Ante omnes bellicosi tessini ». Cependant, minuit venait de sonner, et les deux amis se disposaient à visiter de nouvelles salles, quand le seigneur Saccaruto s'arrêta et refusa de les accompagner plus loin. « Seigneur, ne vous déplaise, mais nous continuerons cette nuit nos recherches, » dit le musicien. « Alors ce sera sans moi. Voici une torche. Bonsoir. »« Bonsoir, » répéta le musicien en ricanant. Et Saccaruto s'éloigna en grommelant des malédictions dignes de Satan. Quand l'on n'entendit plus que l'écho de ses pas lourds, « Bravo, mille fois bravo !»« Notre Argus nous laisse libres !» s'écria le peintre en se frottant les mains de contentement. « Libres dans une espèce de tombeau ?»« Dans un tombeau ou dans un palais, nous n'en sommes pas moins nos maîtres. »« Oh oui, nous sommes nos maîtres. Aussi rappellerai-je souvent le 14 mai 1530. »« Et lorsque dans quelques mois, frère, au retour de notre voyage, lassé de la chaleur d'un soleil d'Italie, j'irai avec une gondole, toi et la préférée de mon cœur, et puis à la félicité sur la nappe d'eau qui entoure l'île d'Ischia, comme d'une ceinture verte et embaumée, après que les brises auront soufflé, après que le gondolier aura chanté sa chanson, après que ma bien-aimée m'aura environnée de son amour, après cela, je lui raconterai notre sombre ciel d'aujourd'hui, notre peine pour entrer dans ce château, les merveilles qu'il renferme, et nous serons heureux de notre bonheur, de nos souvenirs à tous deux. Et moi, frère, et moi, quand j'aurai vu ce que la nature a de grandiose et d'immense dans notre ardente Italie, quand j'aurai fait entrer là ce que mon pinceau reproduira plus tard, quand j'aurai doublé la sève de ma vie en courant le monde, en voyant tout ce qui se voit, en remuant tout ce qui se touche, en m'inspirant de tout ce qui peut bouleverser l'âme, alors à mon retour, j'assemblerai mes amis et je leur dirai « Frère, des coupes, du vin, des pinceaux !» Au bord de la Maranella est un vieux manoir. Il renferme là-bas autant de beauté que vous avez de sensation, autant de poésie que vous et vos maîtresses avez d'âme. Frère, des coupes, du vin, des pinceaux, et maintenant en route vers le vieux château. Dérobons à ces arcades leurs ombres, à ces chapiteaux leurs formes, à ces tourelles leurs ogives, à son architecture sa sublimité. En route, frère, en route, car notre course d'aujourd'hui doit inventer la peinture, doit faire marcher d'un siècle, notre siècle. » Brûlés d'enthousiasme, tous deux parcoururent une heure encore les salles qui se déroulaient à leurs yeux comme des pages sans nombre. Enfin, ils atteignirent une chambre plus grande que les autres. Deux fauteuils antiques en composaient l'ameublement. D'après diverses légendes inscrites sur le mur, on voyait que cette pièce avait autrefois servi au festin de l'ancienne famille. Comme tous deux étaient fatigués, ils résolurent d'y passer la nuit. « Je crois que nous sommes en sûreté ici, mais un excès de précaution ne nuit jamais, » dit le peintre. « Malgré tes efforts, déjà tes paupières s'affaissent. Assieds-toi sur ce fauteuil et dors. Je me constitue ton gardien. Et voilà de quoi nous protéger, » ajouta-t-il en tirant de dessous son manteau un pistolet. Après avoir dit plusieurs autres paroles, qui n'eurent pas l'honneur d'une réponse, il résolut d'examiner tous les détails de la chambre qu'il occupait. Ce qui le frappa le plus, ce fut la vaste cheminée près de laquelle dormait son ami. L'aspect en était merveilleux. Son large manteau de pierre descendait de la voûte partagée en pans inégaux, avec tourelles évidées en spirale et suspendues à ses angles comme un nid d'hirondelle. Sa traverse découpée en rinceaux et dentelles semée de rosaces de caissons entaillés, de fleurons et de niches minimes, logées mains d'amoiselle, fauconnier ou madone. Sur la face étaient sculptées les armoiries de la maison de Tessina, ombragées de lambrequins, ayant pour tenant deux griffons ou chimères en roulement. Cette cheminée semblait un dé de fête. Une famille entière y pouvait prendre place autour de l'énorme foyer où se trouvaient encore sur des chenets géants quelques troncs d'arbres à demi brûlés. Il résolut d'en faire un croquis, s'empara du second fauteuil et se mit à l'ouvrage. Il y travaillait depuis 2 heures, quand il crut voir la cheminée remuer. Il s'en occupa peu d'abord, persuadé que les seuls reflets de la lumière produisaient cet effet miraculeux, mais chaque fois qu'il y portait la vue, elle semblait remuer. Alors, il jeta de côté crayon et dessin pour contempler ce prodige. Tout à coup, et comme par une puissance magique, la cheminée s'agita plus fortement, grandit, s'entr'ouvrit. Puis, dans le lointain, il aperçut une pièce splendidement éclairée, et dans le milieu, des tables chargées de mets. Il voulut crier, mais la stupeur liait sa langue à son palais. Il voulut se lever, mais un pouvoir de plomb l'enchaînait sur son fauteuil maudit. Il resta donc témoin des scènes étranges qui se passèrent dans la chambre voisine. Il vit bientôt entrer des hommes et des femmes parés d'habits de fête. Quand chacun se fut assis, l'orgie commença. Les verres se remplirent et se désemplirent avec une rapidité extraordinaire. Les mets disparurent et de nouveaux mets les remplacèrent et furent absorbés par l'insatiable faim des convives. Dire ce que souffrait l'étranger qui assistait à ce banquet infernal est chose impossible. Une sueur de glace ruisselait sur son corps horriblement contracté. À voir la torture qu'il éprouvait, on aurait cru assister à la convulsive agonie d'un mourant. Ses artères battaient avec violence, son cœur bondissait dans sa poitrine, et cependant il n'osait respirer, car au moindre signe de vie qui lui échappait, les nombreux convives, et il croyait reconnaître en eux les décédés de la maison de Tessina, tournaient sur lui des yeux ternes et immobiles dans leurs orbites. Et l'orgie continua, et toujours la voracité des convives allait croissante. Longtemps après, elle s'apaisa. Mais avant de quitter la table, celui qui paraissait le plus ancien de la famille proposa un toast en l'honneur du comte Ladoïci de Tessina, pour s'être, disait-il, enivré pendant 47 heures. Quelques secondes plus tard, des musiciens et des chanteurs entrèrent dans la salle du festin. Les quadrilles se formèrent, les chants et les danses commencèrent. Tout ce que l'âme peut se créer de poses délicieuses, de séductions entraînantes, de laisser-aller ravissants, de magie céleste et de féerie, tout cela se trouvait dans ces rondes voluptueuses. Les femmes semblaient des sylphides. Leurs pieds glissaient sur les tapis sans même les froisser. C'étaient les danses de l'Orient, mais modifiées, mais plus gracieuses. En voyant ces groupes mobiles d'êtres charmants, on se fût cru dans une cité orientale, patrie des bayadères. Et puis, c'étaient des mousselines qui s'agitaient sur des épaules blanches, c'étaient de légers tissus qui flottaient, et laissaient entrevoir par intervalles des seins nus, merveilles d'amour et de beauté. Et pourtant l'étranger n'osait respirer. Ses yeux demeuraient fixés sur les yeux ternes et immobiles des danseurs et des danseuses, car tous les visages étaient blancs comme des linceuls. Il remarqua avec effroi que les seins des femmes ne se gonflaient et ne respiraient pas. Ce qui offrait encore un bizarre contraste avec la joie des conviés, c'étaient les chansons et les airs des contredanses ou des valses. La musique ne ressemble à rien de ce qui s'était chanté jusqu'alors. Tantôt forte et sinistre comme une voix d'enfer, tantôt suave et harmonieuse comme une voix du ciel. Mais ce qui devait étonner surtout, c'est que lorsque les paroles étaient imprégnées de douceur et de gracieuseté, la musique devenait forte et comme irritée. Puis, quand elle quittait sa rudesse, les paroles redevenaient sombres ou menaçantes. Et tout à coup, du milieu des danses et des valses, se détachèrent furtivement plusieurs convives, et ils allèrent dans une pièce avoisinante, et comme devant cette pièce était une glace, l'étranger entrevoyait tous leurs gestes. Et comme cette glace avait l'infernal pouvoir de refléter toutes les paroles qu'elle entendait, l'étranger, en même temps qu'il devinait les gestes et diverses poses des danseurs et danseuses, lisait avec peur les brûlantes paroles, les inconcevables serments qui glissaient en profusion de leurs lèvres décolorées. Son œil tout à coup étincela. Il voyait de la glace deux yeux ardents qui s'élançaient sur lui, et à côté de l'homme livide aux yeux ardents une femme jeune. Elle se pendait au col de son étrange cavalier, et le flattait amoureusement. Puis la figure de cette femme se refléta dans la glace et l'étranger tressaillit, et une barre de fer rouge lui traversa le cerveau. Il reconnaissait en elle la femme pour laquelle il s'était battu en combat singulier un an auparavant, la femme pour laquelle il eût échangé 20 ans de son existence et de son renom futur, et qui lui avait donné récemment tout son amour. Il tressaillit de nouveau et la glace refléta alors un visage de femme qui ricanait convulsivement, et plus tard, un doigt moqueur qui le désignait lui, et plus tard encore, ses hideuses paroles. « Borgia, vois-tu cet homme là-bas, le vois-tu? Eh bien, je me jouerai cruellement de lui. Dans 200 ans, je sortirai de la tombe belle et rajeunie, et il m'aimera d'un profond amour. moi qui alors ne serais qu'un informe lambeau de cadavre. » L'étranger frissonna, détacha lourdement ses regards de la glace maudite, et les quadrilles toujours tournoyaient avec une telle rapidité qu'on aurait cru qu'un vent du nord les emportait dans ses ailes fougueuses. Et voilà que tout à coup les chants et les danses cessèrent. Un homme d'une haute stature entra impérieusement dans la salle des festins, quoique ses traits fussent décomposés, quoiqu'à travers sa robe rouge et diaphane on eût pu compter un à un les os de son corps. Cependant, à son air de dignité, on le reconnaissait facilement pour le fondateur du château, pour l'aïeul de la famille de Tessina, pour le cardinal Giuseppe Giocchini, mort depuis 231 ans. « Maudit ! S'écria-t-il, vous venez encore souiller cette vieille demeure par vos honteuses orgies !» Et dans sa colère, il renversa et brisa les bases et les tables. Alors, tous les convives s'enfuirent à pas tumultueux et disparurent. Le cardinal, se retournant aussitôt vers le jeune peintre, projeta sur lui un regard dévorant. Puis, le bras tendu, l'œil en feu, il franchit d'un seul bond l'intervalle qui les séparait. Déjà, hideux colosse, il allait l'atteindre, quand, brisant tous les liens qu'il retenait, le jeune homme saisit avec force son pistolet et le déchargea à bout portant sur son implacable ennemi. Alors il se fit un grand changement dans tout le corps de l'étranger. Il se leva comme en sursaut pour éveiller son compagnon. Mais il trébucha contre un cadavre percé d'une balle et vit du sang près de la cheminée gothique. Ce qu'il avait pris pour la réalité n'était qu'un rêve, un délire de son imagination bouleversé par les récits de la veille. Seulement, il avait tué son ami en croyant frapper le cardinal Giuseppe Giocchini. Et ce peintre, c'était Michel-Ange. Et le cadavre, celui de Lorenzo, son ami, maître de chapelle à Naples. C'était La cheminée gothique par Alphonse Brault.